mon ami, je vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, je vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. J'ai fait danser les matons, fait danser les condés. Tu m'as pris pour un chaton, comme un char, je suis blindé. T'as touché au pilon, t'as touché la queue gros. Tête en dit, on parle sur mes airs enchantés. Tu l'as baisé, elle, mais elle, c'est pas moi. Je te pète un gratte-ciel, kamikaze comme Osama. Tu connais mes zics, t'as chantonné mes couplets. Ta langue a dérivé, je devrais la découper. J'ai dépassé sur Zik, Trace TV. J'ai dépassé tes types en place, phase finale. J'ai déclassé ton cible, la classe petit. Coup de rein magique, la base nasty mal. Hades Tony, Hades Kaiser, Hades Tommy, Hades Tasser. 2015, ça pète pour ma sortie. J'vise le temps pas le bon boum en mode casseur. Hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, j'vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. Hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, j'vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. Chez moi y'a pas de vocodeur, pas de beau parleur. Une scène haute. Arrête ton signe, bande dessinée. Fais de la place à Mirsa, c'est tout à mon honneur. Génération néo-chrome, à tes cas rebondis. Tu connais, je tape des bas, je rebondis. J'ai formé des MC tunisiens, algériens. Ma victoire sera la tienne comme Maximus. Je reviens, bla bla, dé, ba, ta, ra, dé, ba, ta, ra, dé, ga, dé. Le comeback, des comeback, ma karaté, maternité. J't'ai mis au clock le contact des contacts. Je n'ai pas le temps de rigoler. Seul sur le trône, je ne partage pas ma victoire. Impossible de me boycotter. Face à mon destin, je n'aurai jamais envie de toi. Hey, hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, je vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. Hey, hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, je vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. Album. Évidemment, déglingage de guignol avec Big paravent. Des piles à l'avant, bouffé par un lion. Étouffé par mes serres, carthagiens par alliance. Pour les gens à Fleury, Fred ou Bois d'Arlandère. Mon esprit vous accompagne au placard. Célibataire endurci, goûte à ma part. Si t'as le poule en sursis, tu prends du fer à la barre. J'ai déclassé ton rappeur, ton squatteur, ton gratteur. Ta culotte sans ta vapeur, t'as pas peur du tapeur. 9, 2, pas même, boum, pas d'armes. Juste les risques osés, oui, pas mal. Hey, hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, je vais monter les décibels. Je suis ton meilleur ami. Hey, hey, j'arrive à peine. Tu sais, comme un tsunami, je vais monter les décibels.